Donc, en partant de Calais, j'étais dans la dernière pâtée de Tchali. On a dormi là pendant les vacances pour un peu une fois. Eh bien, moi, je me souviens du bruit, la nuit, de la mer et des bateaux. Et ça, souvenir d'enfance, c'est vous entendez le ronronnement des bateaux et la mer, même loin, la nuit, le son pas bien. Et même dans le chalet, vous croyez qu'elle est à une dizaine de mètres. C'est une ambiance particulière, modeste, hein, c'est pas... Mais, moi je m'en souviens, tout ce qui est en dessous de Calais, pour moi c'est le sud. Saint-Omer c'est le sud, Paris c'est le sud. Ben, c'est pas fou parce que là j'attends les beaux jours pour pour sortir la moto. Puis moi mon truc c'est tout le petit chemin, rouler à 30, 20 à l'heure. Tranquille peinard. Vous allez dans, à côté des champs qui sont franchement coupés, l'herbe, les foins, les bois qu'on coupe et tout ça. Là. Dans les forêts, tout ça. Vous pensez. Hein, ça vaut pas le coup d'allumer comme un con. Hein. Ouais, souvent, 20 à l'heure. Allez, tranquille, peinard. Ce qu'on entendait souvent ici, quand il y avait de la brume, c'était les cornes de brume de Calais. On les entend plus beaucoup. Parce que ça fait un long truc et bon. Bon, puis j'étais marin aussi, donc. Mais bon, significatif. Et puis le son de. Alors, je dirais un petit aparté à part ça. J'aurais dit aussi en eau de rhum. Parce que dans le temps, ici, il y avait l'alsacienne. Fabrication de biscuits. Quand on sentait qu'il était dans cette direction-là, hein, et quand on sentait les biscuits, une odeur douce, agréable, comment dire, chaud biscuit, sympa, quoi. On savait qu'il allait pleuvoir. À l'inverse, là-bas, un peu par là, quoi, il y avait une usine chimique qui s'appelait l'usine de l'air, qui s'est appelée après Calaire, et bon, c'était pas loin, du pont de Coulonne. Ouais, c'est parce que c'est pour ça que. Et ça sentait, comment dire, une atmosphère chimique, quoi. Et quand ça venait de là-bas, on dit, le temps, il va changer. Bon, mis à part ça, dans les bruits, un bruit après, qui était de Calais et qu'on n'entend plus, s'il y a un seul bruit que je dirais et qui manque impérativement, la dentelle. Parce que mes parents travaillaient dans la dentelle, il n'y avait que de la dentelle tout partout. Moi-même, à mes 12-14 ans, j'étais coursier entre les... parce qu'il n'y avait pas encore le téléphone dans tout, hein. Donc j'allais porter des messages en trottinette à droite et à gauche à tous les trucs pour des messages tout bêtes, on attend votre livraison, vous pouvez venir chercher les colis parce que tout était redistribué dans des petites maisons par des gens qui faisaient ça à la main. Quoi. Et moi je faisais comment dire la navette avec quelques messages en me faisant quelques centimes. Pas le temps, les centimes, avec un centime vous avez deux bonbons. Hein. Il doit quoi y avoir une usine rue de Vic, presque au pont, qui fait encore de la dentelle. Alors si vous voulez enregistrer dedans, ou alors vous allez au musée de la dentelle, il y a encore un métier qui tourne, et là non seulement vous enregistrez le son, mais en même temps les vibrations. Parce que sa vie quoi. Pareil, moi j'allais à l'école un peu par là, et il y avait une usine à tulle, il y avait deux usines à tulle, une teinturerie en face et puis une nettoyage de l'autre côté. Et il y avait toujours une fenêtre qui était ouverte et a laissé passer comment dire les vapeurs d'acide pour nettoyer la mine de plomb sur le Donc on faisait 20 mètres sans respirer en allant à l'école. Quoi. Alors, non, sans quoi. C'était assez... Mais... à la sortie d'une petite zen comme ça, là. Bah, y a, tous les midis et tous les soirs, il y avait un policier qui était là pour faire à la sortie des vélos. Il y avait des milliers de personnes qui travaillaient. Il est reparti en vélo, il était obligé de faire la circulation tellement ça sortait. Pareil chez Brampton, avec Brampton, vous n'avez pas connu. Alors Brampton, c'est quand vous allez à un match, il y a une sorte de truc jaune avec deux grands portails qui est fermé. Et là, j'ai même fait agent de sécurité dedans pendant un moment. C'était une usine de... pour faire des chaînes et des boîtes de vitesse. Enfin, tout ce qui était engrenage pour boîtes de vitesse, les chaînes, distribution, chaînes à vélo, chaînes à moto et compagnie. Et là aussi, même derrière, il y avait un bruit. Comme on disait, on voyait les gens fumer leurs cigarettes derrière quand je revenais de chez la marine. Ça faisait du bruit. Ils avaient le gueule infariné par tout le truc, parce que bon, tout ça c'était chauffé au four. Hein. Et il y avait une atmosphère particulière, mais dans tous ces trucs-là, ça sentait bon le fiche de paille. Hein, à tous les trucs, ce que je vous ai dit, ça sentait bon le fiche de paille. Hein. Alors dans le temps là-bas, il y avait aussi, dans le port, il y avait les pâtes à papier. Donc les pâtes à papier, ça sentait encore une odeur un peu de chou. Si on peut... Bon, quoique ça faisait pas énormément de bruit, bon, il fallait vivre à côté pour se faire sans devoir du bruit, quoi. Mais c'est quoi tous des trucs typiques du coin, quoi. Le bruit qui manque aussi, c'est que dans le temps, on a eu les plus beaux engins qu'il pouvait y avoir au monde à ce moment-là, c'était les aéroglisseurs. Et là, avec leurs hélices et leurs réacteurs, quand ils passaient, on allait combien de fois les voir arriver, puis se poser, et partir et passer le long de la plage. C'était le folklore calaisien. Ah, c'était du spectaculaire, monumental, c'était gigantesque comme appareil, hein. Je l'ai emprunté plusieurs fois. Et ces bruits-là faisaient partie du... C'était chez nous, quoi. T'entendais ça, tu sais, oh, ce bruit-là, c'est ici. Oui, c'est pas pareil, c'est un... Oh, c'est un très beau truc, mais c'est plus artistique que... le gars qui va passer dans, comment dire... il va être inscrit dans les murs aussi, comme les autres choses, quoi. Mais... pas la même connotation. Quoi. On pourrait dire que bon, c'est bien, mais on pourrait le cataloguer dans autre chose. Alors, ce qu'il faudrait aussi, que c'est vous l'avez peut-être déjà fait, c'est la fête de la musique. Pas là, ici, ouais, c'est pas fait, ouais. Là, il faut mettre les bouchons. Hein. Oui, bah oui, je me dis. Le musée de la dentelle, je l'ai fait. Le musée de la dentelle, j'y suis allé. Je fais les prises de son. C'est très typique, on l'a déjà dit, effectivement. C'était un son de Calais. C'était la dentelle, les usines de dentelle qu'on entendait. Qui faisait vibrer le sol. Ça fait vivre des milliers de personnes. C'était la fierté de Calais. Et ça tombait en décrépitude par des raisons, on va dire, financières, soit politiques, soit d'un peu de tout. C'est un gros dommage. Car maintenant, ça sert d'entendre que la dentelle, elle est vendue par les pays extérieurs. Et puis qu'elle revient en France avec l'étiquette... Made in Calais, Made in France, et ceci et cela. Là, ça serait la honte totale. Bon, ben, écoutez, passez une bonne journée, et bienvenue dans le Nord.